Bienvenue dans votre super émission, votre cyber revue de presse à l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginan, je serai avec vous pour les 90 prochaines minutes sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du... mesdames et messieurs, 9... octobre 2013. Bon, alors, chers auditeurs, troisième émission de la saison que nous commençons cet automne. Alors, nous allons aborder cette fois-ci plusieurs sujets, particulièrement les fameuses armes chimiques qui ont été utilisées en Syrie. Nous aurons de nouvelles à vous rapporter à ce sujet très intéressant qui risque d'encore stimuler votre réflexion. Je vous avais un peu parlé de ça là, depuis le début de la saison, comme quoi qu'il y avait des gros points d'interrogation à savoir quelle vraiment était la valeur des supposées preuves selon lesquelles ce serait le régime de Bachar al-Assad qui aurait utilisé ses armes. J'avais de grands doutes dont je vous avais fait part depuis le début, et puis nous avons d'autres révélations qui tendent à aller dans le même sens. Alors je vais vous parler de ça. Effectivement, oui, il faut rester très critique, surtout que là, on a commencé les fameuses inspections et le programme de désarmement d'armes chimiques en Syrie. Alors, espérons que ça va être fait de façon équilibrée, donc c'est-à-dire qu'on désarme aussi bien les fameux rebelles terroristes, mercenaires privés, et le régime de Bachar al-Assad. En fait, il y a beaucoup à craindre que ce soit effectivement les fameux rebelles mercenaires psychopathes Al-Qaïda qui sont supportés par les États-Unis, l'Israël et puis plusieurs autres acteurs du Moyen-Orient qui soient effectivement désarmés, parce qu'il y a fort à parier que ce soit eux qui auraient utilisé ces armes d'ailleurs à Ghouta. Alors on s'en reparlera. On va parler de Fukushima, il y a beaucoup à dire aussi. Les nouvelles sont aussi alarmantes au fur et à mesure que les semaines avancent. Alors, ça aussi, c'est évidemment un sujet fort important. Un petit peu d'économie, puis bon, différents trucs là à travers ça. Donc, ça sera le programme de l'émission, plus quelques petits morceaux de musique pour vous entretenir. Alors, il y aura un petit peu plus de musique cette émission-ci. Je vais parfois faire ceci, cette session, des fois vous donner un peu plus de repos musical. Je sais que l'émission est à propos d'informations, c'est ce qu'on fait ici énormément. Sauf que, bon, c'est ça, j'ai aussi... j'essaie d'être avec vous le plus possible, là, mais j'ai des occupations quand même assez prenantes. Ça se peut que des fois, j'allège l'émission avec un peu de musique comme ça pour passer à travers de tout. Peut-être une formule d'ailleurs pour l'autre monde qui risque d'émerger éventuellement. Là, je t'en touche un mot comme ça. À l'avance, j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques semaines ou peut-être d'ici la fin de la session automne. Voilà. Donc, allons-y. Nous allons parler de ces fameuses attaques chimiques qui se sont déroulées à Ghouta, une opération sous fausse bannière, false flag attack, qu'on appelle, appuyée par les États-Unis, tuer des enfants syriens pour justifier une intervention militaire humanitaire. Ici, c'est un article que j'ai tiré du site de mondialisation.ca, d'un article qui a été écrit par Julie Lévesque et le professeur Michel Chosudowski, qui vont un peu dans le même sens de ce que j'avais parlé des semaines précédentes. Alors, vous avez Mère Agnès Mariam de la Croix, auteur du rapport controversé This Teams, qui cite que les attaques chimiques qui ont eu lieu dans la Ghouta orientale le 21 août 2013 pourraient constituer l'opération sous fausse bannière la plus horrible de l'histoire. Les données disponibles à ce jour indiquent que de nombreux enfants ont été tués par des rebelles de l'opposition, que leur corps a été manipulé et filmé en vue de blâmer le gouvernement syrien pour les attaques, provoquant ainsi l'indignation et galvanisant l'opinion publique mondiale en faveur d'une autre guerre impériale sanglante menée par les États-Unis. Tout en confirmant l'utilisation d'armes chimiques contre des civils, le rapport de l'ONU n'a pas identifié les auteurs de ces attaques encore. Et puis, au lieu de procéder à une enquête non politisée, une analyse en laboratoire, l'ONU a confié l'enquête sur les allégations d'attaques au gaz neurotoxique en Syrie au professeur Aki Selstrom, un homme mystérieux cultivant le secret entourant ses recherches et ses relations politico-militaires. On a appliqué un genre de vernis cosmétique ici, là, de neutralité suédoise, qui a été habilement exploité par Israël et l'OTAN, lesquels ont inventé des faussetés par le biais des travaux de Selstrom à l'ONU, dont le déni des causes chimiques et biologiques du syndrome de la guerre du Golfe, et aussi, disons-le, des livraisons d'armes chimiques états-uniennes au régime de Saddam Hussein. Ça, c'est des informations dont je vous parlais un peu les semaines précédentes, particulièrement. Et puis qui sont encore ici mis de l'avant, et puis qui donnent un peu, je dirais, de la viande sur l'os, là, sur toute cette perspective sur ce qui se passe en fait dans cette région. Donc, il est connu que Selstrom est le biochimiste à la tête de, en fait, du European CBRNE, le Center. C'est le centre d'études avancées sur la sécurité et la vulnérabilité sociétale, particulièrement sur les incidents majeurs impliquant des substances chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives. Ce qui vient de CBRNE. À l'université d'Umeå, au nord de la Suède, financée par le ministère suédois de la Défense. Écoutez, il y a pas mal d'informations là, contenues dans cet article, là, c'est pour ça que je vous en fais part. Ça vaut la peine de lire ça au complet ensemble et puis de commenter un peu sur ces révélations-là qui vont aller un peu dans le même sens de ce que je vous ai révélé les semaines passées. D'ailleurs, ça m'a pris un certain temps, là, mais si vous allez sur le site Les Nouvelles Internationales, là, qui est le blog personnel que je prends soin, en fait, là, sur lequel... je mets les informations, les sources d'informations là, dont je discute ici sur l'émission. Les deux émissions précédentes sont maintenant en ligne avec toutes les sources d'informations dont je vous avais parlé. Donc, n'hésitez pas à aller faire un retour là pour aller compléter là, ce dont j'avais parlé les semaines précédentes. Donc, ce qui se passe, c'est que on a en recherche l'université d'Umeå collabore étroitement avec Technion, qui se trouve à être l'Institut israélien de technologie, l'université de Haïfa, fournissant la technologie de pointe à la force de défense d'Israël et ses agences du renseignement. Plusieurs ministères collaborant avec Israël dans la recherche participent à des études multidisciplinaires au centre CBRNE de Selstrom. Puis l'ambassadrice états-unienne à l'ONU, Samantha Power, a dit très clairement que la concentration du gaz neurotoxique utilisé en Syrie était plus élevée que celle de l'Irak. Sa déclaration devait être reformulée comme suit. Saddam a peut-être transbordé en Syrie du gaz neurotoxique fourni par les États-Unis, mais le gaz neurotoxique utilisé contre les civils syriens n'était pas le nôtre. Alors, en réalité, il s'agit là du point essentiel du rapport Sostrom. Enlever toute responsabilité à Washington. Donc, vous voyez un peu, là, que le gars, il est pas vraiment objectif dans sa démarche. Le principal fournisseur, Washington, était le principal fournisseur des précurseurs, de la préparation, des technologies de lancement, puis des systèmes de stockage des gaz neurotoxiques au Moyen-Orient, y compris en Israël, en Égypte, en Libye, en Irak et fort probablement en Syrie, pendant l'ère de bonne volonté de Clinton. Alors, le rapport de l'ONU sur les armes chimiques utilisées en Syrie manque fondamentalement de crédibilité en raison du bilan trompeur de son inspecteur en chef, Akil Sostrom, politiquement et financièrement compromis à tous les niveaux. Alors, c'est quand même important d'avoir ces nouvelles-là et puis ces informations-là en main parce que, bien souvent, ce qui arrive, c'est que, comme je vous parlais les semaines précédentes aussi, c'est que les grands médias, les médias corporatifs vont vous rapporter ces nouvelles-là d'une façon, ça a l'air bien, bien objectif, mais en réalité, ça ne l'est pas. Parce que on vous informe pas réellement sur qui sont ces gens qui sont réellement derrière ces rapports, en fait, derrière ces analyses qui sont ensuite transmises à l'ONU et qui sont présentées comme étant finalement de quoi de très crédible, alors qu'il y a un gros problème de crédibilité à ce côté-là. Et puis, à la veille de la publication du rapport de l'émission de l'ONU, un autre rapport soigneusement rapporté et documenté par Mère Agnès Mariam de la Croix et l'équipe internationale d'appui à Moussa Laha en Syrie. On parle ici de la International Support Team for Moussa Laha in Syria. A été publié et très peu couvert par les médias, évidemment. Vous avez le lien dans l'article aussi pour lire le rapport intégral en format PDF. Vous avez juste à cliquer sur le lien actif là, puis aller lire ça vous-même. Donc, les conclusions du rapport sont sans équivoque. Les vidéos que les États-Unis et leurs alliés ont utilisées comme preuve pour accuser le gouvernement syrien sont des mises en scène. Alors, il y a eu beaucoup de mises en scène et puis il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ça, c'est très important qu'on fasse des fois des rappels, chers auditeurs, pour vous montrer jusqu'à quel point on est prêt à aller, à quel point on est prêt à aller loin, là. Je veux dire, on est prêt à aller très très loin pour tromper les gens, pour essayer de manipuler l'opinion publique, pour supporter finalement des guerres, toutes sortes d'interventions militaires non populaires, évidemment, qui sont probablement sujettes à beaucoup d'opposition de l'opinion publique. Et puis, on a besoin de débranler cette opinion publique pour la faire fléchir et puis lui faire accepter des projets qui sont autrement très difficiles à vendre. Et puis, ce fut le cas de, particulièrement, on se rappellera de la première guerre contre l'Irak, la première, en fait, agression, je devrais dire, de l'Irak, où, vous rappellerez, on avait eu cette supposée jeune Koweïtienne qui était venue pleurer devant des représentants américains, et puis lui disant que, en fait, leur disant ainsi qu'aux médias, on avait publicisé ça partout à la télévision, on avait parlé de ça dans les nouvelles, elle pleurait, puis et puis comment on avait jeté des bébés qu'on avait retiré de leur incubateur dans les hôpitaux et puis jeté sur le plancher froid de l'hôpital, et puis je veux dire, ça avait été diffusé là, durant les nouvelles de 6 heures à la grandeur de l'Amérique, et puis ça avait évidemment causé tout un émoi, et puis les gens étaient en horreur devant ça, puis c'est un peu ce qui avait vraiment fait changer l'opinion publique pour une intervention militaire, en fait, qui est une agression illégale au niveau de la loi internationale contre l'Irak en 1991. Et puis, on a appris par après, puis ça, c'est complètement documenté, là, je veux dire, c'est sorti dans des documentaires, là, comme ici à Radio-Canada, et ainsi de suite, là. Je pense que c'était l'émission Découverte ou quelque chose du genre. Finalement, cette intervention de cette jeune Koweïtienne était complètement fabriquée de A à Z. C'est une mise en scène totale. La fille se trouvait être, je me rappelle bien, écoutez, j'y vais de mémoire, là, mais c'était une affaire comme la nièce ou la fille d'un chèque très important au Koweït, très proche du pouvoir, c'était pour du pouvoir. Là, je me rappelle plus là, vraiment le lien, là, mais écoutez, c'était vraiment très, très élevé, un ambassadeur, un truc du genre. Et puis, c'est une mise en scène qui avait été orchestrée par, imaginez-vous donc, par une compagnie, une firme de relations publiques du nom de, je me rappelle bien, c'était Knowlton, Hamilton and Knowlton, une affaire comme ça. Écoutez, je viens de mémoire, là, réellement, là. Vous allez retrouver ça si vous faites une recherche là, sur Internet, là, réellement, dans un moteur de recherche. C'est pas difficile à trouver. C'est tout documenté. Des vidéos que les États-Unis et leurs alliés ont utilisées en Syrie pour accuser le gouvernement syrien sont des mises en scène, un peu la même affaire. Donc, on a fait la même chose en 1991. Alors, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien de surprenant. Il y a absolument, écoutez, là, vraiment... C'est pas de quoi là qui est nouveau là. OK, il faut s'enlever ça de la tête. Donc voilà. Ce que on poursuit un peu avec les informations ici, mais c'est important d'avoir ces choses-là en tête. Donc l'étude indique que, et puis là, il y a citation ici, nous avons décidé d'examiner minutieusement ces vidéos dès que certaines familles dont les enfants ont été enlevés nous ont contactés pour nous informer qu'ils avaient reconnu les enfants parmi ceux présentés comme victimes des attaques chimiques de la Ghouta orientale. Puis notre première préoccupation était le sort des enfants que nous voyons dans les images. Ces anges sont toujours seuls entre les mains d'hommes qui semblent être des éléments de groupes armés. Les enfants décédés sont sans leur famille et ne sont pas identifiés et jusqu'à ce qu'ils soient enveloppés dans des linceuls blancs pour l'enterrement. De plus, notre étude souligne sans aucun doute que les petits corps ont été manipulés et disposés de manière théâtrale afin de figurer dans la vidéo. Alors, si les images étudiées ont été éditées et publiées dans le but de présenter des éléments de preuve pour accuser l'État syrien d'avoir perpétré des attaques chimiques dans la Ghouta orientale, nos découvertes incriminent les éditeurs et les acteurs pour avoir falsifié les faits en tuant et en manipulant les enfants non identifiés. Alors, ça vient de Mère Agnès Mariam de la Croix et puis du groupe Esteems. Donc vous avez le lien ici, là, c'est quand même assez hallucinant. On parle des attaques chimiques dans la Ghouta orientale pour justifier une intervention militaire en Syrie. Là, vous avez Madi Darius Nazem Rouaya qui a étudié le rapport et puis là, il a écrit, lui, en faisant des simples observations des images contenues dans les vidéos présentées comme preuve par les États-Unis, l'étude indépendante d'Esteems contredit les affirmations de l'administration Obama et de l'ensemble de la communauté états-unienne du renseignement. Donc, le rapport d'Esteems ne nie pas que des armes chimiques ont été utilisées ou que d'innocents Syriens ont été tués. L'étude fait remarquer logiquement par ses observations qu'il existe des preuves empiriques que les images de l'échantillon des vidéos analysées et qualifiés d'authentiques par la communauté états-unienne du renseignement ont été mises en scène. Alors, c'est quand même... ça va dans le même sens, un peu de ce que je vous rapportais précédemment, là, les semaines et les mois précédents avant la grande pause de l'été de l'autre monde. Cette constatation est importante car elle réfute les affirmations des représentants des agences de renseignement états-uniennes ayant déclaré que les vidéos qu'ils ont authentifiées prouvent que le gouvernement syrien a perpétré une attaque à l'arme chimique dans la Ghouta orientale. Alors, vous avez encore là le lien ici de l'article d'où viennent ces affirmations. Donc, on dit que dans les images présentées par le gouvernement états-unien, de nombreux éléments n'ont aucun sens. On voit le même petit garçon en rouge se trouve dans deux endroits différents. Alors, vous allez voir ça dans les images, dans l'article. Et puis, au moins 9 de ces enfants apparaissent dans deux séquences différentes, dans deux endroits différents, ce qui est quand même assez étrange. Alors, vous allez avoir des gros plans là-dessus. Là, allez voir ça. C'est sûr que c'est pas des images faciles à voir, mais c'est important de voir les manipulations qu'on fait. On se rappellera d'ailleurs à cet effet les fameuses manipulations hallucinantes qu'on avait vues dans le cas de le fameux assassinat de Osama Bin Laden que les États-Unis ont orchestré et selon lesquels ils auraient finalement fait une attaque surprise sur l'emplacement où serait supposément trouvé Osama Bin Laden. Et puis là, on l'aurait enlevé, je crois que c'était au Pakistan. Et puis on aurait jeté son corps dans l'océan. Alors réellement, complètement hallucinant. Là, je veux dire, on s'attend à ce qu'après ça, la masse croit à ces affirmations complètement délirantes, disons-le, délirantes, sans aucune preuve. Alors, il faut croire les États-Unis qu'ils ont intervenu, ils ont enlevé, tué Osama Bin Laden et puis jeté à l'océan sans nous présenter aucune preuve. Réellement, on s'attend à ce que vous croyez tout ça. Et puis, on vous a présenté des photos d'Osama Bin Laden tué. Et puis, après ça, on s'est aperçu que c'était des scènes d'un film dans lesquelles on avait inversé l'image et puis qu'on essaie de vous présenter comme étant Osama Bin Laden qui avait été tué. Et puis, ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. On a eu des vidéos trafiquées réellement de façon très claire, là, je veux dire, gros comme le bras. Et puis là, les médias ont dû réfuter l'information, revenir avec d'autres choses. Après ça, on a vu que c'était d'autres manipulations, des Photoshop. C'est ahurissant de voir ça. Donc encore là, une fois de plus, rien de nouveau sous le soleil avec ces manipulations d'images et de vidéos. Donc parmi les importantes conclusions du rapport de Steams, on note que malgré les affirmations voulant que les attentats aient tué jusqu'à 1400 personnes, ce sont essentiellement des enfants qui apparaissent dans les vidéos et plusieurs cadavres sont présentés dans différentes vidéos, lesquelles auraient été tournées dans des lieux divers. Bien qu'ils remettent sérieusement en question l'affirmation selon laquelle le gouvernement syrien était derrière les attaques, le rapport n'a pas été couvert par les médias occidentaux qui se soumettent à l'Empire en répétant les allégations de Washington, lesquelles demeurent sans preuve et n'ont aucune crédibilité. Alors, en outre, une controverse a vu le jour concernant les allégations voulant que les rebelles soient responsables des attaques et qu'ils aient utilisé des armes chimiques fournies par des services secrets saoudiens. Vous avez Dale Gavlak, co-auteur d'un article contenant ces allégations, veut maintenant se dissocier de l'article et fait face à des menaces. Sa carrière est en péril. Alors, on dit que l'article de Mint Press, publié le 29 août, contenant des entrevues avec les rebelles, des membres des familles des victimes et des villageois de la Ghouta orientale, allait que des éléments au sein de l'opposition sont responsables de la présumée attaque aux armes chimiques du 21 août et que ces munitions ont été fournies par le chef du renseignement saoudien, le prince Bandar bin Sultan. Alors, comme je vous disais dans la première émission, il y a effectivement des acteurs aussi autour de la Syrie qui sont impliqués dans la déstabilisation intérieure de la Syrie et ont des intérêts géostratégiques différents aussi de ceux d'Israël et puis des États-Unis, mais ni plus ni moins contribuent quand même. Alors, beaucoup de choses qui se confirment dans cet article qui aussi recroise des informations que je vous ai livrées précédemment. Donc, Dell fait l'objet de pressions de plus en plus fortes de la part d'un tiers pour avoir écrit cet article, 30 et 31 août. Elle nous a informé, les rédacteurs de Mint Press et moi-même, par courriel et par téléphone, que, je parle pas moi-même, c'est dans l'article que je vous lis qu'on dit ça, par téléphone, que des tiers faisaient d'énormes pressions sur elle relativement à l'article, mais menaçant de mettre fin à sa carrière. Elle a ajouté qu'elle croit que ce tiers était lui-même sous la pression du chef du renseignement saoudien, le prince Bandar lui-même, accusé de l'article d'avoir fourni des armes chimiques aux rebelles. Alors, l'article poursuit avec d'autres informations concernant cette histoire-là, mais vous allez voir que c'est quand même assez intéressant d'aller voir ça. L'information selon laquelle le renseignement saoudien aurait été impliqué dans les attaques chimiques de la Ghouta a été mentionnée par un fonctionnaire de l'ONU ayant requis l'anonymat. Et puis là, ici, on apprend qu'un haut fonctionnaire des Nations Unies directement lié aux affaires syriennes a déclaré à Akbar que le gouvernement syrien n'était pas impliqué dans les prétendues attaques aux armes chimiques de la Ghouta. Bien sûr que non, il, en parlant de Bachar al-Assad, commettrait un suicide. Évidemment, ça n'a aucun sens, là. C'est pour ça que je vous parlais de ça aussi, là, dans la première émission, particulièrement, de la saison le 25 septembre dernier. Lorsqu'on lui avait demandé qui, selon lui, était responsable de l'utilisation de munitions chimiques dans la Ghouta, le responsable de l'ONU, qui n'a pas permis que l'on divulgue son identité, a déclaré « Le renseignement saoudien était derrière les attaques et malheureusement, personne n'osera le dire. » Le représentant officiel affirme que cette information lui a été fournie par des rebelles de la Ghouta. Donc, c'est quand même assez révélateur, là, je veux dire. Vous voyez que c'est dans une plus grande logique que ce soit ça, puis qu'on ait des informations allant dans ce même sens et des plus intéressants, disons. Les accusations du représentant officiel de l'ONU reflètent des déclarations faites plus tôt cette année par un autre haut représentant de l'ONU qui s'appelait Carla Del Ponte. Et puis, dans la foulée des attaques présumées à l'arme chimique à Khan al-Assar, Sheikh Maksoud et Sarakeb, elle a déclaré à la télévision suisse qu'il existait des doutes sérieux et concrets, ne constituant toutefois pas encore des preuves vérifiables que les rebelles avaient perpétré l'attentat. Alors, Mme Del Ponte avait également observé que les inspecteurs de l'ONU n'avaient vu aucune preuve indiquant que l'armée syrienne utilisait les armes chimiques, en ajoutant qu'une enquête plus approfondie était cependant nécessaire. Alors, vous avez les liens par rapport à ça. Donc, tout ce qui précède porte à croire que cette attaque est l'un des crimes les plus horribles de l'histoire moderne. Une mise en scène diabolique qui consiste à tuer des petits-enfants, à produire de fausses séquences vidéo et des séances de photos de cadavres, le tout en vue de fabriquer un prétexte pour une intervention militaire en vertu d'un mandat humanitaire. Alors, comme je vous disais, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est des opérations typiques qu'on perpètre depuis des décennies, hein, des opérations comme ça. Vous vous rappellerez, je vous en ai souvent parlé dans l'émission, les fameuses opérations Gladio qui se sont produites à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par ce qu'on appelait les réseaux Stay Behind. Des réseaux secrets du renseignement, et puis on faisait exploser des autobus écoliers pleins d'enfants en Italie, qu'on blâmait sur le dos des communistes pour les démoniser, pour qu'ils perdent des élections. Puis ça fonctionnait, OK? Mais je veux dire, reste que ces réseaux-là, qui étaient affiliés au réseau du renseignement, donc des gouvernements, et ainsi de suite, faisaient exploser des autobus scolaires pleins d'enfants. OK? Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est juste la continuation de ce travail de psychopathe, de groupe terroriste qu'on appelle ces fameuses agences du renseignement, autant de la CIA, de la GRC, des services français, allemands, ainsi de suite. Là, je veux dire, il faut comprendre que ces réseaux-là, là, pour la plupart, la structure elle-même, c'est sûr qu'il y a des bonnes personnes là-dedans qui vraiment pensent faire le bien puis travailler pour la sécurité de leur pays, mais ces trucs-là ne sont pas au service vraiment de la sécurité intérieure des populations qu'ils desservent, mais en fait sont des outils de défense des intérêts commerciaux, bancaires, finalement corporatifs, si vous voulez, économique des corporations, des banquiers privés, ainsi de suite. Donc, ça n'a rien à voir réellement avec la sécurité ou quoi que ce soit. Donc, les médias de masse ayant occulté ces crimes portent une lourde responsabilité, il faut le dire. Le New York Times a calomnié les conclusions de Mère Agnès et de son équipe, l'accusant de défendre le régime et de jouer la carte chrétienne. Le New York Times rejette nonchalamment la preuve que les vidéos sont fausses. Et puis, vous pouvez lire le rapport de Steams puis juger par vous-même. Les criminels de guerre qui ont conçu et utilisé cette mise en scène diabolique doivent faire face à la justice. Les procédures du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'encontre du gouvernement syrien doivent être suspendues. Alors, c'est signé Julie Lévesque et Michel Tchosowski. Excellent article à aller voir. L'article a été publié en anglais également. Et puis là, vous avez le rapport qui on vous incite à lire, ainsi que les articles et les vidéos du centre de recherche La Mondialisation ci-dessous. Partagez les articles. Donc, vous avez tous les liens, là, un paquet d'articles comme ça. Important à les voir en français. Alors, juste vous lire le titre de ces nouvelles-là, ça va être déjà vous donner pas mal d'informations. Vous allez toutes les avoir sur les nouvelles internationales. Allez les lire, soyez informés. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe, puis vous allez être immunisé à la propagande pour mensonges par rapport à ce qui se passe réellement là-bas. Alors, question au premier ministre de la Syrie. Le gouvernement français a-t-il présenté un faux à la représentation nationale? L'opposition syrienne soutenue par les États-Unis rejette les chefs politiques et s'aligne sur l'Al-Qaïda. Ça, c'est des titres de nouvelles à lire, là. Syrie, fabrication de mensonges chimiques qui aiderait les attentats de la Ghouta. Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Le président syrien répond aux questions de Fox News. Des vidéos de l'attaque chimique de Damas. Les crimes de la rébellion que les gouvernements, les médias, les ONG humanitaires ont ignorés. Le prince Bandar est-il derrière les attaques chimiques en Syrie? Armes chimiques. Les vérités cachées sur les arsenaux et sur la convention. comme les services occidentaux ont fabriqué l'attaque chimique de la Ghouta. Ce n'est pas le gouvernement Assad qui a utilisé le gaz sarin. Les membres du Congrès qui ont eu accès aux preuves classées secret défense sur la Syrie déclarent qu'elles ne prouvent rien du tout. Syrie, sans couverture internationale, les terroristes n'auraient jamais osé franchir les lignes rouges. Les armes chimiques, pédagogie de l'horreur et humanisme tardif. Syrie, que s'est-il vraiment passé le 21 août dans la Ghouta de Damas? Alors, juste les titres d'articles vous en révèlent pas mal, réellement. Et puis là, ben, vous avez les États-Unis qui poursuivent à faire des niaiseries, cette fois dans l'autre pays où ils ont intervenu militairement, une autre agression contre la loi internationale, et ainsi de suite. Je parle de la Libye. Les États-Unis, cette semaine, ont enlevé un de leurs ex-agents. Alors, le président Obama a ordonné l'ordre d'enlever Abu Anas al-Libi, de son vrai nom Nazi Abd al-Hamid al-Rugwai, alors j'espère que je le prononce bien, le 6 octobre 2013 en Libye. Une équipe de la Delta Force y est parvenue sans faire de victimes, apparemment. Disons que c'est quand même assez hallucinant, là. Il faut noter que, même à supposer qu'Al-Libi soit une cible légitime pour les États-Unis, comme l'a déclaré le secrétaire d'État John Kerry, cet enlèvement constitue une violation du droit international et de la souveraineté de la Libye. Les États-Unis sont arrivés comme ça, sans avertir personne, sans avertir le gouvernement libyen ou quoi que ce soit. On rentre dans le pays, on enlève quelqu'un, puis à bout de fusil, on le sort de là. Alors, c'est quand même assez hallucinant, là. On dit qu'en 1995, ce djihadiste avait rejoint Osama bin Laden, l'homme de la CIA, au Soudan, participa à une tentative d'avorter d'assassinat du président égyptien Hosni Moubarak. Il se réfugia au Qatar. Et puis, après ça, ben, vous avez en 96 les services secrets britanniques, à la fois MI5 et MI6, qui financèrent une cellule d'Al-Qaïda pour assassiner le leader libyen Muammar el-Kadhafi. Et puis, Anas al-Libi servit d'intermédiaire à la transaction et obtint ainsi l'asile politique au Royaume-Uni. Ben oui, il vécut à Manchester jusqu'à son inculpation en 2000 aux États-Unis. Et puis là, après ça, ben vous avez en 2000, il avait été accusé par le tribunal du district du sud de New York d'avoir procédé en 93 au repérage photographique qui aurait permis d'attaquer 5 ans plus tard les ambassades US de Dar el Salaam et Nairobi le 7 août 1998, tuant 12 États-Unis et accessoirement 214 autres personnes, ne faisant plus de 5000 blessés non-États-Unis. Alors, lorsque la liste des suspects les plus recherchés par le FBI est créée en octobre 2001, il y figure et une récompense de 5 millions de dollars est offerte pour sa capture. Alors, c'est quand même assez particulier, là. Il faut lire le reste de l'article là, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là. Vous allez voir que lui, il se promène d'un bord puis de l'autre. Finalement, avec d'autres membres d'Al-Qaïda, il participe aux opérations de l'OTAN en Libye, aboutissant au renversement de Jamahiriya et puis du lynchage de Muammar el-Kadhafi. Et puis, ensuite, ben, il est enlevé par le secrétariat US à la défense de Tripoli en Libye le 6 octobre 2013. Et c'est quand même assez hallucinant. Selon le New York Times, il aurait été transféré à bord de l'USS San Antonio en mer Méditerranée pour y être interrogé en dehors de la protection du système pénal américain. Il pourrait éventuellement être remis dans quelques semaines ou mois à la justice états-unienne. Alors là, c'est comme ça que les États-Unis fonctionnent. Alors, eux autres, s'ils veulent faire vraiment ce qu'ils veulent avec le personnage, au lieu de le rapatrier aux États-Unis, puis que ça fonctionne avec le système légal américain, là, ils le mettent sur un bateau quelque part en eau internationale, puis là, ben finalement, le gars, ben il est dans un genre de limbo juridique, puis là, ben, ils peuvent le torturer, puis ils peuvent faire à peu près n'importe quoi avec. C'est vraiment fantastique. Puis là, après ça, ben, vous avez le USS San Antonio, qui est un navire de débarquement dont lesquels ont été transformés en prison secrète par la US Navy, qu'on apprend dans cet article. Les détenus y sont interrogés selon un programme basé sur les techniques du Dr. Martin Seligman. L'objectif n'est pas d'obtenir des aveux, mais de conditionner les victimes. Ah, regardons ça, toi. Officiellement, le président Barack Obama a fait fermer les prisons secrètes US et a interdit l'usage de la torture. Ben oui. Mais les États-Unis n'avaient pas revendiqué d'enlèvement contraire aux lois internationales depuis celui d'Ahmed Abdul-Kadir Warsam en Somalie le 19 avril 2011, qui fut rendu public 2 mois plus tard. Mais là, on vient de remettre ça à la sauce du jour. Alors, c'est fantastique. Alors, voilà. Donc, on est arrivé là, zip-zap. On a enlevé le monsieur à bout portant. Puis là, vous avez le secrétaire d'État John Kerry qui a insisté que le raid en Libye était légal, dit-il, entre guillemets. Et puis, il avertit contre les critiques, évidemment. Alors, on dit qu'évidemment, les révélations continuent d'émerger après que les États-Unis ont fait ce raid dans la capitale de la Libye, à Tripoli, et puis ont kidnappé Abu Anas al-Libi, et puis il a été accusé par l'administration pour son rôle dans l'attaque en 1998 de l'ambassade. Mais évidemment que, comme je vous dis, il y a un gros problème là avec la façon que ces trucs-là se produisent. Hein? Donc, on a admis d'ailleurs, même par la bouche du secrétaire d'État John Kerry, que ce kidnapping a été mise en place, a été exécutée en fait sans avertir le gouvernement libyen, qui d'ailleurs ont exprimé leur opposition d'avoir évidemment une force militaire étrangère marcher à l'intérieur du pays et puis d'enlever un de ses citoyens à bout de fusil. Je veux dire, imaginez, là, c'est quand même assez hallucinant. Là, vous avez John Kerry qui a essayé de défendre cette action-là américaine comme étant légale. Évidemment que ça n'a aucun sens au niveau de la loi internationale. Là. Je veux dire, il n'y a aucune loi qui permette aux États-Unis de se présenter dans un autre pays souverain, et puis d'enlever, kidnapper un de ses citoyens. Là. Ça n'a aucun sens, évidemment. Là. On parle ici de rendition extrajudiciaire, comme l'avait commencé Bush suite au 9-1. Et puis, c'est complètement contraire à la souveraineté nationale des autres pays, puis du règne de la loi internationale. OK? C'est quand même assez important, là. Je veux dire, les États-Unis se croient libres de faire et puis en droit de faire ce qu'ils veulent. OK? Donc, ça n'a aucun sens de faire ces trucs-là. Donc, voilà. Donc, écoutez, on va s'arrêter là pour ce premier segment. On va être de retour immédiatement après la pause. On va parler de Fukushima. Alors, je vais vous présenter encore quelques nouvelles pour vous illustrer à quel point la situation est importante là-bas, est très sérieuse et sur laquelle on doit porter beaucoup de notre attention dans les temps à venir. Alors, vous saurez tout pourquoi tout de suite au retour de la pause, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes de retour de la pause. François Marginat au micro toujours. Alors, nous allons aborder un volet plus nucléaire, Fukushima, Japon. Ça continue de sortir. On suit moindrement les nouvelles. On s'aperçoit, comme je vous disais régulièrement, là, que la situation est extrêmement grave. Et puis, le monde commence à s'éveiller à cette réalité. D'ailleurs, j'ai un auditeur surnommé Gandalf qui m'a envoyé un lien, en fait, des informations que je vous transmets. Ça vaut la peine d'y jeter un petit coup d'œil parce que effectivement, il se passe des affaires très importantes là-bas et puis on doit en être conscient et puis réellement là, prendre des décisions par rapport à ça. Alors, ça concerne des informations importantes sur Fukushima avec Jean-Pierre Petit, qui est scientifique, ancien directeur de recherche au CNRS, qui nous parle de Fukushima à l'émission « Bob vous dit toute la vérité ». Et puis, on apprend que la situation n'est pas prise en main, que si la situation n'est pas prise en main par les moyens financiers et expertise mondiale, on pourrait assister à un problème assez important. Là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à mi-novembre 2013, les Japonais vont procéder de façon qu'on qualifierait d'artisanale et dangereuse, disons-le, au transfert de 1300 barres de combustible nucléaire de la piscine numéro 4, dont ça aussi, je vous avais souvent parlé sur l'émission, le fameux bassin, la piscine, où on entrepose des combustibles usagés. Et puis, le problème est que la piscine, en fait, se trouve à être très élevée dans le bâtiment. Et puis, le bâtiment a été endommagé par des explosions très importantes et puis risque de s'écrouler à tout moment. D'autant plus si il arrive d'autres tremblements de terre. Et puis, on sait qu'il en arrive de façon régulière au Japon. Il y a des centaines de tremblements de terre et puis plusieurs sont quand même assez importants et ressentis, disons-le. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'on a 1300 barres qui seront déplacées une à une. Donc, il faut vraiment savoir et reprendre conscience que c'est 1300 chances d'incidents majeurs. Il y a une pétition pour tenter de faire pression sur l'ONU. Et puis, vous avez le lien à les signer. Et puis, vous avez cette émission que vous pouvez aller écouter avec Jean-Pierre Petit. Vous avez le lien sur YouTube. Et puis, on vous encourage à signer la pétition, de faire circuler l'information partout. Alors, il faut que, en fait, on réagisse ou qu'on fasse à quelque chose à ce propos réellement. Donc, danger là. Pourquoi? Parce que, ben, effectivement, on n'a pas réellement. On va faire ça un peu en cow-boy, disons-le, là, pour employer une expression, là. Parce qu'on n'a pas vraiment de la technologie ni de l'expertise pour faire ça. Donc, on va y aller comme ça, là, à la route, là, réellement, là. Un peu à travers notre chapeau, là, sans vraiment savoir ce qu'on fait. Là. Réellement, on dit que oui, il n'y a pas de problème, ça va bien aller, là, mais écoutez, chers auditeurs, là, réellement, là, c'est vraiment artisanal là, ce qu'on fait. Là. Donc là, on va assister à 1300 chances d'avoir un autre accident nucléaire. Là. Puis de toute façon, la situation est déjà tellement grave là-bas. Vous allez voir, je sais que les nouvelles des 10 derniers jours à peu près, là, on va remonter, vous allez voir, attendez un peu, là, on va y aller grosso modo, on va y aller à partir de début octobre, là, juste pour vous dire, quelques nouvelles comme ça, quelques titres d'articles, là, vous allez trouver les liens, vous pouvez aller lire les articles au complet, trouver vraiment les sources d'informations, allez tout chercher ce que vous voulez, mais vous allez voir juste avec les titres d'informations, vous allez comprendre qu'il se passe de quoi là, d'assez important là-bas. Je vous le répète là, c'est vraiment hors de contrôle. Il y a personne qui sait quoi faire avec ça là. On est devant une situation de jamais vue dans l'histoire, ok? C'est aussi radical que ça là. Donc allons-y. 2 octobre du réseau NHK. On parle de radiation mystère en hausse. Vraiment, là, on atteint des pics à Fukushima, des très hauts niveaux de strontium dans l'eau qui fuit dans le sol plusieurs fois au-dessus des limites gouvernementales. On parle d'overflow ici, là, de TEPCO qui pompe dans les mauvais containers. Alors, vous avez des photos, des vidéos, allez voir. Un autre du New York Times, on parle de crise humaine qui se déroule à Fukushima. Plusieurs maintenant réalisent que on nous a menti et que on ne peut pas finalement arranger les affaires là-bas. Là. On parle de mensonges, que on ne peut pas, c'est hors de notre capacité de s'occuper de ce problème-là. On n'a pas même la technologie pour le faire, OK? Alors, excusez-moi. Donc, on poursuit le 2 octobre. On avait une autre nouvelle ici sur le réseau NHK, où on parle de nouvelles fuites radioactives, extrêmement radioactives, en fait, là, de nouvelles fuites à Fukushima. On croit que ça se draine vers l'océan Pacifique. On parle de 200 000 becquerels par litre de strontium et d'autres émetteurs de rayons, en fait, de bêta. On poursuit avec un professeur japonais, lui, qui parle en fait qu'ils ont trouvé du poisson très contaminé, extrêmement choqué par cette nouvelle, le long de la côte américaine. On parle de situation urgente. Ils ont besoin d'échantillons, mais ils ont été arrêtés par les gens à la frontière. Alors, on dit qu'on a besoin de comprendre à quel point la situation est sérieuse. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment une mauvaise volonté du gouvernement même ici aux États-Unis, là, de rendre public, de en fait même publiquement chercher à savoir ce qui se passe réellement avec cette situation-là. Probablement que les gens paniqueraient, c'est peut-être la situation. Une autre nouvelle ici, on parle d'un programme de nouvelles qui discute de récents rapports de gens qui ont des saignements de nez au Japon. Et on parle d'articles d'un professeur ici, là, de consortium international de scientifiques qui sont demandés, en fait, là, pour étudier ce qui se passe là. Ensuite, le gouverneur qui dit qu'il surveille étroitement ce qui se passe avec la radiation, la menace de radiation de Fukushima en Alaska. Un effort est lancé là-bas pour suivre ce qui se passe avec le poisson. En conjonction, c'est moi, avec l'appareil militaire américain et puis le Homeland Security. Bon, ensuite, le 3 octobre, on a des gens au Canada, ici, des physiciens, sur les estimés du cancer. On parle d'épidémie de mortalité reliée à la radiation relâchée par Fukushima dans les poissons du Pacifique qui pourraient être déjà commencés. On parle ici de vastes implications pour la santé humaine. Donc, les gens à vie... moi, je vais vous le dire bien franchement, là, ça peut sembler peut-être, comme ça, si vous n'êtes pas bien informé, extrémiste, mais j'ai cessé de consommer tout produit de l'océan du Pacifique. Le temps révélera si j'ai raison de faire ça, mais je crois à 99% que vous seriez mieux d'éviter tout produit océanique de fruits de mer de l'océan du Pacifique. OK? Il y a des quantités d'isotopes et de matériel radioactif qui se ramassent et flottent et se dispersent partout et entrent dans la chaîne alimentaire de toutes sortes de façons. La situation est pas mal plus sérieuse que vous pouvez le penser, OK? Donc, avertissement ici de François Marginal de l'Autre Monde. Alors, allons-y, poursuivons. Le 3 octobre, on a un typhon ici qui approche de Fukushima. Le Japon est battu par des vents ces derniers jours, d'un typhon assez important. Alors, c'est évidemment, on parle de dispersion encore là de matériel nucléaire qui pourrait encore fuir dans l'environnement et dans l'océan. Un autre problème ici, on a construit des barrières qui pourraient être détruites par ces vents. En fait, on va voir dans les prochains jours quels sont les dégâts effectivement causés par ce typhon. Vous avez un autre article ici, le 3 octobre, on parle d'un expert nucléaire. Ici, on parle d'un gros volume de vapeur qui vient de l'unité numéro 3 de Fukushima. Et puis, quelque chose de chaud se passe là-bas, dans tous les sens du terme. On se demande s'il y a encore quelque chose qui se passe avec le réacteur, le cœur du réacteur. Évidemment qu'on n'a pas grand-chose qui peut être fait là, pour surveiller la situation qui se déroule là. Alors, vous voyez, c'est hors de contrôle. Là. Il faut vraiment comprendre ça très clairement dans notre esprit. Ça, c'est juste le début des nouvelles. Là. Je veux dire, je suis encore le 3 octobre. Là. J'en ai là, jusqu'à aujourd'hui, là, si vous voulez. Là. Donc, on est le 10, là, vous comprenez. Situation, c'est comme ça. Là. Donc, je poursuis, OK? Des fuites à Fukushima qui pourraient être encore beaucoup plus radioactives que ce que TEPCO a admis, presque 20 000 fois les limites légales qui se déversent dans l'océan. 20 000 fois les limites légales, ok, c'est pas 2 fois, 5 fois, 10 fois, 20 000 fois, ok. Alors, citation ici d'un officiel dans le domaine du nucléaire, on dit qu'il semble manquer même de savoir de base à propos de la radiation, à savoir ce qui se passe là-bas. Bon, un autre expert nucléaire ici, du plutonium, cette fois qu'on parle de Fukushima, dans l'océan Pacifique, qui se retrouve dans les poissons, qui présente un risque pour la santé. Une étude ici révèle que on a ces résidus de plutonium, ok, vraiment, une substance des plus dévastatrices qui existe sur la planète Terre. Alors, on parle ici de ces de plutonium qui se transporte sur des très longues distances et qui ont pour source Fukushima. Alors, on devrait se pencher sur ce problème. Toujours le 3 octobre, Gunderson, ce bon Arnie Gunderson, expert dans le domaine nucléaire aux États-Unis, on parle de déformité, de mortalité infantile qui sont pas rapportées après Fukushima. Des officiels qui retiennent la vérité à propos de ses effets sur la santé, les gouvernements, le gouvernement japonais qui, en fait, essaye de faire silence sur des études, sur des animaux qui sont déformés, ainsi de suite. Alors, on nous rapporte des nouvelles assez dramatiques dont on refuse de vous parler. OK? À la télévision, ici, un autre, on rappelle 70% des enfants qui sont testés sont contaminés avec du césium radioactif. Ils sont tous aussi à l'extérieur de la préfecture de Fukushima, imaginez. Alors, le Japon qui est contaminé de façon très grave aussi. Là. 4 octobre, des ingénieurs nucléaires parlent de cette fameuse piscine de combustible nucléaire qui est déformée. Du matériel qui a été projeté dans les airs lors des explosions, en retombant, ont endommagé ces systèmes en fait de racks, si on voulait, de rails dans lesquels on insère ces crayons de combustible nucléaire. Le morceau de toit qui sont tombés là-dedans aussi. Donc, voyez là, encore un autre truc qui est hors de contrôle. Conclusion. La situation qui se détériore de façon significative ici. On parle de désastre à Fukushima. De dommages irréversibles causés par les radiations. Ça, ça vient d'un officiel, un top officiel nucléaire. TEPCO maintenant admet que ceci va affecter l'environnement. Vous avez une vidéo à voir. Plusieurs nouvelles. Écoutez, je veux dire, je devrais prendre le temps de toutes vous les lire réellement. D'un autre côté, ça devient fatigant. Parce que, je veux dire, c'est... J'en reviens pas qu'on vous informe pas à propos de ces affaires-là, que c'est pas dans les nouvelles de 6 heures à tous les jours que la planète entière soit pas au courant au jour le jour de la progression de ce qui se passe là-bas. C'est super grave. Écoutez, si je rirais pas, je braillerais, là, je pleurerais. On parle ici le 4 octobre à la radio d'un docteur. On parle aux États-Unis, il dit qu'il est inquiété à propos des particules chaudes qui sont inhalées, qui viennent de Fukushima, ces fameuses particules chaudes qui se résument à être de fines particules qui sont en suspension dans l'air et qu'on a retrouvées dans les filtres de systèmes à refroidissement, de filtration, ainsi de suite, dans les hôpitaux, ainsi de suite, aux États-Unis, ok, donc qui venaient de Fukushima. Eh oui. On en respire. Et puis, dès que ces particules sont absorbées dans les poumons, elles s'y incrustent. C'est impossible de les rejeter. Et puis là, c'est là qu'elles opèrent vraiment leur magie destructrice en émettant des toutes sortes de rayons gamma, rayons X, des radiations finalement à l'intérieur de votre corps. Et puis c'est là que les dommages sont vraiment, on parle de faibles doses, mais qui sont très graves sur la santé là. Donc, on parle d'une crise pour toute l'humanité. Un pire scénario de contamination dans l'histoire. Vraiment, ça donne le goût de brailler, là. Une autre histoire, ici, on parle post-Fukushima horror. Alors, une horreur post-Fukushima, des impacts sévères sur l'environnement océanique, des dommages, une quantité de dommages non prévisibles qui va être faite au Pacifique. On parle ici de reproduction humaine aussi, qui est mise en danger. Le Japon qui, tout simplement, déverse des déchets nucléaires dans l'océan, publié le 5 octobre. Un professeur japonais qui déclare « Je n'avais plus mangé de fruits de mer. J'ai changé toute ma diète. » Lui, il refuse d'acheter n'importe quel produit qui vient de la mer. OK, là, whatever, là, n'importe quel fruit de mer, de n'importe quel marché, peu importe dans le pays. Alors, lui, il amène un détecteur dans les magasins pour regarder les niveaux de radiation. C'est un docteur, le gars, là. C'est pas un freak, là. Bon. Alors, on parle ici, Gunderson parle d'un problème majeur à l'intérieur de la piscine de l'unité 3 de Fukushima, des pièces de combustible nucléaire qui ont explosé durant une explosion de criticalité pourraient finalement éclater s'il y avait un autre gros tremblement de terre. Donc, toutes sortes de menaces aussi. En plus, la situation est complètement hors de contrôle. Ainsi, un professeur lui dit qu'on a toutes sortes aussi de fuites radioactives qui se produisent à Fukushima, mais c'est juste qu'elles ne sont pas documentées. La situation est extrêmement, extrêmement instable. Tout le monde jongle à savoir comment faire, comment réagir, quoi faire avec cette situation. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Un autre document, des documents gouvernementaux officiels. Fukushima met en danger tout l'écosystème marin du Pacifique, de l'océan Pacifique Nord. Et puis, on parle aussi de conséquences sur la santé humaine. Très important de suivre et de mesurer les niveaux d'exposition aux radiations et puis aussi d'analyser les effets des substances radioactives. Ben, j'espère. Les scientifiques au niveau international, les experts au Japon devraient être permis de rapporter les conséquences sur la santé de Fukushima. Les données officielles sont en déni. On est en situation de déni. On nie la situation. On dit on est un peu comme dans une transe autistique au niveau international à propos de ce qui se passe à Fukushima. On refuse de voir ce qui se passe là-bas. On parle du typhon qui a frappé ces derniers jours, des niveaux de radiation dans l'océan Pacifique. Là, on parle ici de situations d'étoiles de mer qui meurent de façon alarmante le long de la côte du Canada, du Pacifique. On dit que les colonies d'étoiles de mer sont en train d'être désintégrées. On dirait qu'ils apparaissent comme fondre. Hallucinant, des nouvelles qui nous viennent là, des vidéos de la Californie aussi, publiées le 7 octobre. Bon, on dit qu'on a trouvé des niveaux de radiation très élevés dans le journal Asahi au Japon, sur les sites olympiques. Alright on, buddy! Fait que là, vous avez des professeurs japonais qui parlent, lui, de matériel radioactif qui se sont répandus à travers le Grand Tokyo. On parle des régions qui demeurent dans une situation d'urgence, du plutonium-241, de l'activité, de la très haute activité de plutonium-241 qui a été détectée à plus de 30 km de Fukushima. on a des nouvelles recherches additionnelles qui suggèrent qu'effectivement, le plutonium s'est transporté sur une très longue distance aussi, même sur Terre. Puis là, vous avez un officiel nucléaire ici aux États-Unis, un top officiel nucléaire, qui lui parle de la tentative que je vous parlais un peu plus tôt d'enlever ce fameux combustible fondu, ainsi de suite, à Fukushima, ne peut être impossible. En fait, il pourrait se révéler être impossible à faire. Parce que, je veux dire, écoutez, réellement, on risque de se buter un sérieux problème, là. Donc voilà, écoutez, je suis pas porteur de bonnes nouvelles ici, là. Je veux dire, tout simplement, ce que j'essaie de faire, c'est de vous porter votre attention réellement à la gravité de la situation, puis c'est ce que je fais, là. Donc, je vais continuer de le faire aussi, même si c'est lourd, mais c'est ce qui se passe, OK? Donc, il faut à un moment donné être conscient que la situation est extrêmement grave là-bas. Donc, on va faire une autre pause musicale, mais on va se retrouver avec d'autres nouvelles, dont particulièrement un article ici sur la vaccination, puis une étude qui a été faite, une étude polonaise sur les vaccins, puis je voulais vous rapporter un peu certaines choses qui ont été rapportées dans cette étude et puis qui risquent d'attirer votre attention aussi sur ces fameux vaccins. Alors, on se retrouve tout de suite après la pause. OK, alors on va aborder le dernier tronçon de l'émission. Pour cette semaine, on va parler de nouvelles diverses, particulièrement de cette étude polonaise sur les vaccins. Alors, vous avez toutes les références à ce document quand même assez extraordinaire, là, donc en PDF, alors vraiment tout documenté. Ici, on parle des effets secondaires neurologiques faisant suite à la vaccination. Alors, gare à vous, parents d'enfants qui faites vacciner vos enfants, peut-être qu'il serait important de vous informer sur ce qu'ils contiennent et puis les effets secondaires qui sont peut-être pas mal plus répandus que ce qu'on essaye de vous faire croire. Et puis, vous avez peut-être un choix difficile à faire devant vous et puis surtout de l'assumer, parce que vous allez voir que si vous refusez la vaccination de vos enfants, on risque de vous faire paraître ou de faire passer comme étant des parents très indignes, des parents qui sont inconscients, finalement souhaitent quasiment la mort de vos enfants réellement. Là, je veux dire, je parle vraiment de faits vécus, de témoignages de gens très proches que je connais qui ont subi ce traitement là par des infirmières et puis des docteurs, là, je veux dire, parce que on ose refuser la vaccination par principe de sécurité, par principe finalement de non-interférence en cas de doute. Et puis vous allez savoir que plus on en connaît sur le dossier de la vaccination, plus il y a des doutes sérieux qui s'installent sur vraiment les bienfaits de celle-ci versus les effets quand même assez sérieux sur les effets secondaires, les effets qui sont des fois même très irréversibles et pouvant mener jusqu'à la mort. Alors, on a une étude ici là, qui a été faite en Pologne. Et puis, vous avez un gros document à aller lire. Et puis, dans cet article ici, qui s'appelle « Étude polonaise sur les vaccins » que j'ai surligné en jaune, alors vous allez la retrouver facilement sur les nouvelles internationales, on a un article ici sur lesquels on a apporté à votre attention différentes sections que vous pouvez lire, en fait, concernant des informations importantes. Alors, on a un peu comme lu cette grosse brique là, pour vous et puis faciliter votre approche. Alors, on parle du système immunitaire du nourrisson par rapport à la vaccination. À la page 131, on parle d'un graphique montrant différents niveaux d'immunoglobuline en fonction de l'âge du nourrisson. Il est à noter qu'un enfant ne possède pas la pleine maturité et la pleine défense immunitaire avant l'âge de 3 ans. À étudier spécialement l'information avant la note de page. Alors, vous allez voir ici vraiment des notes très précises sur quoi aller voir dans ce document-là. Alors, vous allez voir, c'est vraiment une émission documentée ici, là. Page 132, on parle des maladies allergiques baptisées épidémie du 21e siècle. Ben oui, vous savez, on a une explosion d'allergies. Tout le monde est allergique. Il y a plein d'allergies. Il y a des enfants qui sont hyper allergiques, hyper sensibles à toutes sortes d'affaires. C'est quasiment impossible de les nourrir réellement, là, sans risque de mourir. On parle de 35% de la population des pays développés qui souffrent d'allergies. C'est énorme, là. On parle de plus du tiers de la population. Corrélation positive de la maladie associée au vaccin ROR. Page 134. Symptômes neurologiques après vaccination. On parle de toxicité du mercure, 125 fois plus élevée que la norme considérée sécuritaire. Aïe, aïe. Mort subite après vaccination due à un œdème cérébral et pulmonaire ainsi qu'à des attaques cardiaques. En page 135, on parle de neurotransmetteurs, excitateurs et toxines de la coqueluche. Liste des complications neurologiques. Allez voir ça. Page 37 de cette étude, on parle au tableau 8 de la forte baisse de la coqueluche qui a eu lieu avant l'introduction de la vaccination générale des enfants en Suisse en 1910, entre 1910 et 1980. Les cas de diphtérie sont montés en flèche après que les vaccins aient été introduits en 1925, voir le tableau. On parle aussi, qui est intéressant de noter, qu'au cours des dernières décennies, la diminution des maladies infectieuses généralement rapportées s'est produite avant l'introduction de la vaccination contre ces maladies. Selon un rapport de 2002 du Lancet Infectious Diseases, il existe des preuves solides qui montrent que, sur un plan personnel et environnemental, l'hygiène a réduit la propagation de l'infection. Les résultats de cette étude montrent qu'il existe un effet positif, continu et mesurable de l'hygiène personnelle et collective sur les maladies infectieuses. Le même rapport a montré que les taux bruts de mortalité dus aux maladies infectieuses ont diminué jusqu'à des niveaux quasi négligeables bien avant l'introduction des pratiques de vaccination universelle. Alors ça, ce sont des faits historiques, OK? Donc, on essaie de faire croire que l'introduction des vaccins a réduit la quantité et la sérieuxité des maladies infectieuses, alors que c'est vraiment les pratiques d'hygiène. Actuellement, les pays développés présentant des calendriers de vaccination de plus en plus complexes sont mis en place. Écoutez, là, c'est vraiment débile, là. Aux États-Unis, là, je pense que les enfants avant l'âge de 3 ans reçoivent, voilà, une 70 vaccins, là. OK? On parle dans cet article, là, c'est au cours des années 1960 que de plus en plus de vaccinations ont été mises en place. Les maladies allergiques, y compris l'asthme, les maladies auto-immunes, le diabète, de nombreux troubles neurologiques, difficultés d'apprentissage, TDA, troubles déficitaires de l'attention, TDAH, déficit d'attention avec hyperactivité, convulsions et autisme, autant de maladies chroniques qui ont retenu l'attention. Ah, toutes des maladies reliées au système nerveux central. Ah, comme par hasard, ce que les vaccins, bien souvent, attaquent. Ah, oh, ben, regarde donc, c'est bizarre, hein? Dans les pays scandinaves, qui ont les taux de mortalité infantile les plus bas, les vaccinations sont volontaires et les nourrissons reçoivent leur première vaccination à 3 mois. On notera également que les pays scandinaves ont les taux les plus bas d'autisme par rapport aux autres pays développés, et dont les enfants qui reçoivent un plus grand nombre de vaccins sont aussi vaccinés beaucoup plus tôt. Wow! Fait que là, on parle de suggestions pour la modification du programme de vaccination de la Pologne, chose qui devra aussi pouvoir s'appliquer aux États-Unis puis ailleurs aussi. Hein? Donc, on parle de la professeure Majewska, neurobiologiste, directeur de la chaire Marie Curie, du département de pharmacologie et de physiologie du système nerveux à Varsovie, en collaboration avec des pédiatres, a rédigé une proposition de modification du programme de vaccination en Pologne et qui est basée sur une analyse des programmes de vaccination des autres pays de l'Union européenne. Les propositions sont les suivantes. Écoutez bien ça, chers auditeurs. Je vous en parle parce que c'est important, là. Je veux dire, on parle de choses très sérieuses, là, par des gens extrêmement crédibles. Les autres, ils parlent d'éliminer le thimérosal de tous les vaccins. Ben oui. Effectivement. Supprimer le thimérosal, c'est un dérivé du mercure, là. Donc, qu'est-ce que ça fait, anyway, dans le vaccin qu'on shoot directement dans le système? Bon. Supprimer la vaccination des nourrissons contre l'hépatite B. Ne vacciner que les nourrissons à haut risque, à savoir les nourrissons de mère infectée. Il me semble que c'est pas trop demandé. Arrêter la vaccination BCG des nouveaux-nés à utiliser seulement chez des enfants provenant de régions où le pourcentage de patients atteints de la tuberculose dépasse les 40 % 1000. Commencer à vacciner à partir de 4 mois dans le groupe restant des enfants. Puis là, encore là, c'est si vraiment on doit le faire, là, réellement. Là. Mais je veux dire, imaginez, là-bas, on parle, en tout cas, au moins, à tout le moins de faire ça, là. Abandonner le vaccin anti-coqlucheux cellulaire. Administrer un maximum de 3 types de vaccins en une seule journée. Hey, imaginez. Il n'y a aucune étude qui a été faite au niveau international de tous les temps, chers auditeurs, sur l'effet combiné des vaccins ensemble. Imaginez. Puis on dit qu'il n'y a aucun problème. Moi, j'ai un problème avec ça, d'accord? Abandonner l'administration de vaccins à virus vivant, ben j'espère. Ou alors les administrer un à la fois des intervalles de sécurité. En tout cas, je veux dire, réellement, là, il y a un sérieux problème à élucider de ce côté-là. Avez-vous déjà lu la liste des ingrédients de ça? J'en ai déjà parlé, là, si vous êtes nouveau sur l'autre monde ici, là. Je vous le dis, si vous en avez déjà entendu parler, je vous le rappelle. Allez lire la liste des ingrédients qui se retrouvent dans les vaccins. Bordel! Quand vous mangez de la nourriture, vous regardez la liste des ingrédients, et essayez de lire déjà ce qui se passe un peu dans ces petites fioles-là, hein? Avant qu'on vous shoote ça dans le bras. Il me semble que vous allez prendre conscience que quand il y a de la formaldéhyde, de l'aluminium, des virus vivants, du pus d'animal, des débris d'ADN, des sortes de, tu sais, du mercure. Me semble qu'il y a un problème avec ça. J'ai l'impression que ça nous prouve des maladies de Crohn, toutes sortes de maladies d'allergie, du système nerveux central, d'autisme. Écoutez, là. Alors, on continue. Page 138. Conclusion. Il semble qu'il serait utile d'appliquer le principe de précaution. Me semble, ben oui. Le principe d'éthique. selon lequel il serait préférable de ne pas mettre en œuvre une nouvelle technologie s'il existait une probabilité, même mal connue, d'effets secondaires indésirables, plutôt que de risquer des conséquences incertaines mais potentiellement dangereuses. Comment ça se fait qu'on n'applique pas ça? Comment ça se fait? Je sais pas, mais c'est ça. Donc, voilà, on dit que ce document est extrêmement précieux parce qu'il met en valeur toute une série d'arguments qui vont dans le sens de ceux qui demandent une vaccination sans danger aux États-Unis et ailleurs. Ce document devrait pouvoir servir de modèle pour un travail de réforme de la vaccination. Ce document confirme aussi la plupart des thèmes repris dans le livre de Catherine Frumpovich. On parle de vaccination voodoo, la vaccination voodoo. Alors, ce que vous ne savez pas à propos des vaccins, publié le 4 octobre 2013. Important, chers auditeurs, important. Alors, ça, c'est un article dont je voulais vous parler, les maudites vaccinations. Bon, on parle un peu de nouvelles diverses là pour finir l'émission. On parle ici de milliardaires qui sont en train de larguer leur stock. Des économistes savent pourquoi. On dit que malgré le fait que les marchés boursiers se sont ralliés de 6,5% récemment, en fait les trois derniers mois, vous avez une poignée de milliardaires qui tranquillement sont en train eux autres de se départir de leur stock américain et rapidement. Des gens comme Warren Buffett qui sont en train de larguer, qui est en train de se départir de ses parts à un rythme alarmant. En fait, vous avez d'autres gens aussi. On parle de gens comme John Paulson, qui a largué beaucoup de ses parts. Vous avez George Soros qui a fait la même affaire, incluant des parts de JP Morgan, ainsi de suite. Alors, pourquoi ces milliardaires sont en train de se départir de leurs actions de compagnies américaines et du stock market? C'est assez particulier, alors que le stock market est en train de se rallier, en fait. On parle d'une remontée quasiment historique, en fait, là. Et puis, là, vous avez ces gens-là, eux autres sont en train, en fait, de vendre leur part. Alors, peut-être que, des fois, il faut se poser des questions. Ces gens-là, c'est pas des sans-dessin non plus, là. Alors, un article qui parle de ça ici, là, on dit que certains investisseurs professionnels sont conscients de recherches spécifiques qui pointent vers une correction massive des marchés qui pourrait atteindre jusqu'à 90% de baisse, en fait, de correction. Alors là, je sais pas là, jusqu'à quel point c'est fondé ces chiffres-là. Mais ça fait longtemps que je vous en parle. Évidemment que c'est une économie qui est gonflée de façon complètement illusoire, qui repose sur rien, et puis évidemment qui n'appelle qu'à être finalement se voir effondré, là, je veux dire, ni plus ni moins. Là. Donc ensuite, vous avez différentes nouvelles. On parle ici de la NSA qui a espionné les Nations Unies. Alors ça, c'est le magazine allemand Der Spiegel qui a publié un article là, comme quoi que l'Agence de la Sécurité nationale des États-Unis, la NSA, a espionné des conférences vidéo internes des Nations Unies par système de décryptage l'année passée. Alors, voyez que l'espionnage est répandu à tous les niveaux, même dans les quartiers des Nations Unies. Ici, vous avez un autre article fort important. J'en avais déjà parlé dans le passé aussi, que vous avez plusieurs banques importantes, là, des banques même de niveau international, là, qui ont réussi à survivre à la dernière grande crise économique. Parce qu'elle blanchissait de l'argent des réseaux importants de narcotiques. Alors, ces banquiers internationaux et ces banques internationales qui blanchissent de l'argent des différents crimes organisés, et ainsi de suite. Et puis là, vous avez un article ici qui parle que non seulement on a blanchi de l'argent, mais... on a un sérieux problème d'utilisation de cocaïne par les banquiers qui pourrait même avoir possiblement causé la dernière grande crise financière globale qu'on a connue. Alors, un article fort intéressant ici où on parle de banquiers qui sont complètement remplis de poudre blanche dans le nez, qui sont les mêmes banquiers qui ont causé la fameuse grande crise, selon un ancien spécialiste des drogues, David Nutt. Et écoutez, c'est assez particulier là. Ça a été mentionné dans un documentaire qui s'appelait Inside Job, très important. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, très très intéressant à voir. Allez voir ça sur internet, Inside Job. On parle pas de 9/11 évidemment, là, c'est vraiment le documentaire. Et puis on parlait d'ailleurs aussi dans ce documentaire là que l'utilisation de la cocaïne était très répandue et très lourde sur Wall Street. Et puis, écoutez, c'est assez hallucinant. On dit que probablement qu'il y avait tellement de gens sur Wall Street qui étaient sur la cocaïne que ça aurait pu effectivement ennuager, si vous voulez, la moralité puis l'éthique de ces gens, effectivement. Et puis, c'est fort possible, effectivement, que ça a été un effet qui a contribué, un facteur contribuant à cette fraude hors de contrôle qui s'est répandue partout sur Wall Street aussi, imaginez. des petites réalités comme ça qui sont quand même assez hallucinantes. Ensuite, différentes nouvelles là. On parle de l'Arctique qui a été très froid, qui a eu plus de glace que la normale, en fait. Là, on dit que cette année, ça a été au-dessus de la normale. On dit l'équivalent de 1600 Manhattan. Là, en fait, la superficie de l'île de Manhattan à New York, là, au-dessus de la normale en 2013. Vous avez en Oregon, on a insisté que on ne possède pas la pluie qui tombe aux États-Unis. Vous en avez déjà parlé là, dans les nouvelles, assez hallucinant. Là, on avait des États qui commençaient à taxer les gens qui recueillaient l'eau de la pluie. Alors, c'est pas des farces là. Alors, on ne voulait pas savoir à qui appartient l'eau qui tombe du ciel. Alors, des nouvelles quand même assez particulières comme ça. Donc, on parle de nouvelles ici économiques aussi. Écoutez, je pense qu'on va pas mal y aller comme ça. Là, on parle de la reconstruction d'Haïti, construction d'hôtels de luxe, les sweatshops, dérégulation pour l'élite corporative étrangère. Alors, vous avez Haïti qui a été dévasté. Puis, finalement, tout ce qu'on fait là-bas, c'est prendre possession des richesses de l'île, puis du point de transition, des drogues, et ainsi de suite, de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, et puis on maintient finalement Haïti dans un état de pauvreté. Un autre article qui parle de ça. Une autre étude ici des Nations Unies qui parle de la corruption en Irak. Alors voilà, les Irakiens sont tellement dans une meilleure position depuis que les États-Unis ont envahi. Un autre article ici que je vous invite à lire, Coca-Cola qui va défendre l'aspartame dans une nouvelle annonce publicitaire à la télévision. Coca-Cola qui va défendre l'aspartame et puis sa sécurité comme étant un élément sucrant artificiel bon pour la santé. Évidemment que le problème est que la population, même je dirais mondiale, est de plus en plus bien éduquée, bien savante, et finalement les gens commencent à comprendre ce qu'est l'aspartame et puis ont cessé de consommer ces produits-là. Et Coca-Cola a vu en résultat de ça des baisses dans ses ventes assez dramatiques là, l'année passée. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Là, je veux dire, on peut voir directement quel impact on peut avoir, hein, individu par individu, en changeant ses propres habitudes, réellement là. Donc, continuer comme ça. Ça, c'est, hein, vous voyez, là, c'est des choses importantes. Puis c'est pour ça qu'il faut en parler, parce que c'est encourageant. Mais vous avez un pouvoir. Même si vous pensez que votre geste a vraiment très peu de portée parce que vous êtes une seule personne, imaginez quand des millions de personnes portent le même geste par elles-mêmes parce qu'elles décident de faire cette révolution intérieure de changer. Alors, c'est fou là, ce qui arrive. C'est des révolutions réellement instantanées qui arrivent. Donc, d'autres nouvelles qui parlent de Fukushima ici, toutes sortes de trucs, là. Donc, écoutez, je pense qu'on va y aller comme ça. Vous avez un article ici qui parle justement des, ce qui se passe un peu en Égypte, là. Donc, d'autres manipulations aussi qui se passent là-bas. J'ai pas encore vraiment développé sur ce sujet-là, là, mais vous avez un autre foyer de déstabilisation importante, là, qui se passe en Égypte. Puis évidemment que les mains d'Israël et les États-Unis sont impliqués là-dedans. Je dis pas ça par préjugé, là. C'est parce que c'est tout le temps le cas. Je veux dire, y a tout le temps des preuves très lourdes, là, qui pointent dans ce sens, là. Donc, réellement, là, je dis pas ça à travers mon chapeau, là, juste parce que je fais du Israël ou du American bashing, là. Je veux dire, j'aime bien les Américains, il n'y a aucun problème avec les Israéliens aussi, là. C'est des gens bien sympathiques, là. Je veux dire, bien souvent, c'est les gens au pouvoir, la petite casse élite, la dirigeante, les programmeurs mentaux, la main qui contrôle réellement, la main invisible qui est derrière tout ça, là, qui est bien néfaste. Voilà. Donc, plusieurs nouvelles quand même que je vais vous laisser là, en lien. Et puis, vous allez pouvoir tout retrouver ça sur une nouvelle internationale, vous régaler de toutes ces nouvelles-là. Donc, c'est tout pour nous, chers auditeurs. On a passé à travers une autre émission bien chargée d'informations pour stimuler votre réflexion et inviter à l'action. C'était le modo, hein, c'est toujours le modo de l'autre monde. Donc, portez-vous bien, et puis bel automne à vous. Les couleurs sont en train de battre leur plein ici, là, au Québec. C'est de toute beauté. Il faut voir ça, chers auditeurs. Si vous êtes au Québec déjà, vous êtes fidèles auditeurs de l'émission ici même, ben, vous savez de quoi je parle. Il faut prendre le temps d'aller voir ça, prendre une bonne petite marche en forêt. Et puis pour nos amis européens et puis d'ailleurs qui écoutent cette émission, car l'émission est écoutée au niveau international, disons-le. Alors, nous vous invitons fièrement ici au Québec à venir voir les fabuleuses couleurs dans les arbres à l'automne. C'est vraiment d'une beauté extraordinaire. Alors, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Alors, c'était l'autre monde. Et puis, François Marginan sur les ondes de Choc FM. Je vous salue bien bas et à la semaine prochaine. Ciao, bye! Once you step in the arena, cheetah, you're gonna be amazed when you gaze at the armor on this leader. Fully clad and glad to fight a cause I won't pause. Fear is a joke, slow poke. I'm like claws that'll rip, 'cause your gift is merely flesh, superficial, and I wish you would give it a rest. But if you don't, I'll unsheath my Excalibur like a noble knight. So meet your challenger, a true hero, while you're a true zero, getting beat to a pulp so that you can't run for help. I heard a gulp in your throat, 'cause you hope that I'll be merciful. But poop at the major strut as I rehearse a few battle drills and watch your bladder spill. Yellow fluid, check how I mellowly do it. Face to feet to this beat, you can tell I'm into it. As I'm pulling out my lance to kill you in advance to the winner's throne, 'cause I own you once you step in the arena. In the arena, or rather Colosseum, there's people gathering by multitudes to see one perpetrator fall to the dust after the other, quickly disposed of at the hand of